du Bal du Lézard, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita, votre rendez-vous hebdomadaire de rock progressif. Ce soir, on a des nouvelles de nos amis de Iz, nos amis new-yorkais, qui nous ont envoyé quelques pièces, quelques nouvelles pièces. Pas de nouvel album studio en vue pour le moment, mais le groupe va proposer au fil des semaines de nouvelles pièces qui vont se retrouver sur la page Bandcamp du groupe et sous la désignation de Endless Collection, donc des pièces qui ne seront pas disponibles en CD, mais du moins pour le moment, peut-être qu'après en avoir réuni plusieurs, mais John Calgano me disait qu'aucune de ces pièces ne se retrouverait sur un disque là, standard du groupe. Et puis, on a deux pièces ce soir à vous présenter, deux nouvelles pièces. Et on a aussi directement d'Allemagne, Cyril, avec leur quatrième album studio. Et puis après ça, Marc, je pense qu'on s'en va faire un tour. On le fait pas souvent, mais du côté du Mexique. Oui, c'est une nouvelle formation mexicaine qui a pour nom Electro Compulsive Therapy. Et c'est leur premier album éponyme paru en mai 2021. C'est un quatuor. Alors, on aura la pièce Stop, Wait and Transcend. Et ce sera suivi de l'artiste américaine Lana Lane, une Californienne qui est dans la musique depuis longtemps. Alors, c'est son 11e album en carrière depuis 1995. Donc, le plus récent album, Neptune Blue, on aura la pièce titre de cet album. Mais tout d'abord, on y va avec les nouvelles pièces de Iz. Find your embrace. This is Marek of Cyril, and you are listening to Terra Incognita. Hope you'll enjoy this song from our new album, Amenti's Coin. I'm writing a brand new song. Breaking up this pain, everything will fade. as they're guiding him along on pathways made of diamonds. He knows where he belongs. Promise to find her beyond the Neptune blue. He's waited a lifetime for a ticket to the

Changing up.

CKRL 89.1. Le Mois Multi, festival d'art multidisciplinaire et électronique, est de retour. Du 3 au 27 février, visitez des installations à Méduse et à l'Espace 400e. Expérimentez la réalité augmentée et les jeux vidéo d'art. Découvrez nos offres en ligne et participez à notre volet professionnel. Le Mois Multi, c'est pour tous. Alors, on s'y voit. Consultez la programmation au moismulti.org. Audiolite, 50 ans de tradition et d'innovation. Bryston, Cambridge Audio, Denon, Dyn Audio, Focal, Grado. Audiolite. Toujours spécialiste en son et image. Moon, Oracle Audio, Paradigme, Rega, Sennheiser. Audiolite.qc.ca. Les samedis soirs de CKRL sont une présentation du Bal du Lézard, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulézard.com. De retour pour la troisième demi-heure de l'émission Terra Incognita avec Michel Bilodeau et Marc Chaunet. Alors, dans le prochain bloc musical, on terminera avec la formation norvégienne Wobbler, une excellente formation qui se passe de présentation puisqu'on vous présente des extraits de leurs albums depuis leur tout début en 2005, même 2003, parce qu'il y avait le fameux démo qui est paru en 2003 et dont les pièces ont été reprises sur le second album Afterglow. Alors on aura ici un extrait de Rites of Dawn, qui était leur troisième album, paru en 2011, la pièce In Orbit. On aura également la formation Bernard et Porsti, donc Marco Bernard et Kimo Porsti, qui sont accompagnés ici de plusieurs musiciens italiens pour cette pièce intitulée Friday, vendredi, de l'album Robinson Crusoe, paru en décembre 2021. Et Michel, pour débuter, une autre formation norvégienne, mais beaucoup plus contemporaine, une formation qu'on aime beaucoup. Oui, on parle de Professor Tip Top. Tu disais tantôt qu'on faisait jouer Wobbler depuis fort longtemps, mais je pense que c'est, on peut émettre le même constat pour Professor Tip Top. On a vraiment commencé là, à partir d'Exobiologie à présenter ce groupe norvégien. Je pourrais dire fortement inspiré, là, notamment de Steve Ridge. Et on va écouter un extrait de leur septième album, Lane of Time, et ça va être la pièce Isles of the Sirens. On écoute donc Professeur Tip Top. Travel a stage. morning, I was surprised by seeing no less than 5 canoes all on shore together on my side the island. There were no less than 30 people primitively dancing around the fire, but what were they eating? Two miserable wretches with red from the boats where they were laid by, and one of them immediately fell, being knocked down. People were cutting him open for cookery while the other victim was left standing by himself. Till they should be ready for him. A little at liberty and unbound, nature inspired him. And he started away from them and ran with incredible swiftness along the sands, directly towards me, me, me. However, I kept my station, my spirits began to recover when I found that there was not a bad free man that followed him. He killed and wore me upon my thoughts. Then now was the time to get me a servant, a companion, or assistant. I was called to save these poor creatures' life. I immediately ran down the ladders with a possible expedition. Fetched my two guns, for they were both at the foot of the ladders as I observed before. And getting up again with the same haste to the top of the hill, I crossed towards the sea and placed myself in the way between the pursuers and pursued. I slowly advanced towards the two that followed. Then rushing at once upon the foremost, I knocked him down with the stock of my piece. The other who pushed to him stopped as if he had been frightened, and I advanced towards him. But as I came near, I perceived presently he had a bow, an arrow, and was fitting it to shoot at me. So I was then obliged to shoot at him first, which I did, and killed him at the first shot. To flood, though he saw his enemies fallen and killed, yet was so frightened with the fire and noise of my piece that he stood stuck still and neither came forward nor went backward. I hallowed again. begin to hear me make signs to come forward, which he easily understood and came a little way, then stopped again, and their little father stopped again and gave him all the signs of encouragement that I could think of. I smiled at him, looked pleasantly, and beckoned to him to come still nearer. At length he came close to me, and then he kneeled down again, kissed the ground and laid his head upon the ground, and taking me by the foot, set my foot upon his Once in the dark, a hand stretched towards a spark, grasped a form, a shape, a circle and square. Inside a sphere. Premier acte en collaboration avec la Caisse Desjardins de Québec et l'Apex Théâtre présente « Aime-moi parce que rien n'arrive », un spectacle qui débute chaque soir par un tirage au sort qui détermine la distribution. Est-ce que ce soir Julie va entrer en confrontation avec Jean ou Christine? Est-ce que le genre de l'interprète va influencer notre perception de l'histoire? On va l'expérimenter avec vous du 15 février au 5 mars à Premier acte. Pour plus d'informations, premieract.ca. Audiolite. Amplificateur pour casque d'écoute, amplificateur de puissance, lecteur CD, table tournante, enceinte multiple d'extérieur ou Wi-Fi Bluetooth, système compact de cinéma maison. Audiolite, 50 ans de tradition et d'innovation. Toujours spécialiste en son et images. Audiolite.qc.ca. Les samedis soirs de CKRL sont une présentation du Bal du Lézard, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Dans le dernier bloc musical cette semaine, on aura deux formations italiennes. On aura d'abord la formation Il Fano di Marmo, tirée de l'album Canti, Racconti e Battaglie, paru en 2013. Et on aura la pièce Benvenuti al Circo. Et également, Michel, une autre formation italienne qui a fait paraître un excellent album en 2019. Un album qui a plu à beaucoup d'amateurs de rock progressif. Oui, on peut dire que la formation Il Giardino Onirico a frappé un coup sûr avec ce troisième album qui a pour titre Apophénia. On remarque aussi que le groupe a réussi à avoir Alessandro Corvaglia comme invité pour deux pièces. Mais en attendant, on va écouter Il Fono di Marmo. Take my cool off, keep my Oh, Ce soir, on a choisi de vous laisser avec une formation cubaine. C'est pas très courant et c'est un groupe qui a pour nom Synthesis. Leur premier album paru en 1978, En busca de una nueva flor. C'était Marc Chonnet et Michel Bilodeau avec vous depuis 22 heures. Merci d'avoir été des nôtres ce soir. Revenez-nous la semaine prochaine, même heure, même poste. Restez avec nous aussi, c'est l'autoroute qui suit dans quelques instants et on vous souhaite une excellente nuit à l'écoute de CKRL. We'll be right back.